Histoire immorale. Livre audio gratuit. Une nouvelle de Henri de Bornier. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org. Petite préface. Tout homme a ses moments de faiblesse. Il y a quelques années, je venais de lire un roman où les sept péchés capitaux triomphaient à qui mieux mieux. L'œuvre faisait fureur et les éditions se succédaient comme les wagons sur un chemin de fer. Je sentis en moi un mouvement de jalousie et je me dis « Eh bien, moi aussi j'écrirai quelque chose de bien immoral et j'aurai du succès. » Après avoir bien cherché, bien secoué le coin de guenille que chacun porte en soi, voici ce que je trouvais. Si ce n'est pas assez immoral encore, que le lecteur daigne m'excuser. Je ferai plus mal une autre fois. Chapitre 1. Où le cousin et la cousine trouvent naturel de se marier. « Voyons, voyons, disait Hermine, racontez-moi un peu votre vie, monsieur Lucien. Je veux savoir votre existence heure par heure. Que faites-vous le matin jusqu'au déjeuner? Et après? Et le soir? Et toujours? Je pense à vous, Hermine, à votre beauté, à votre grâce, à vos cheveux dorés, à votre taille souple, à vos yeux doux et brillants, ma belle fiancée. Il ne s'agit ni de mes yeux, ni de ma taille, ni de mes cheveux. Vous êtes trop poétique, monsieur Lucien, trop artiste, trop peintre. Je vous demande tout bourgeoisement ce qu'on vous a servi ce matin à déjeuner. Suis-je prosaïque, hein? Que sais-je, ma belle Hermine? Et que m'importe? J'ai déjeuné à ma taverne. On m'a servi ce qu'on a voulu. Je n'ai pas remarqué. Vous avez eu tort, mon ami. Vous êtes trop indifférent pour vous-même. Heureusement pour votre santé, je serai difficile pour vous. Et dès que nous serons mariés... Dans 8 jours, dit le jeune homme, c'est bien tard. Pour votre estomac, fit la jeune fille en riant. Et monsieur Lucien profita de l'occasion pour frapper doucement du bout des doigts les doigts blancs et effilés de sa jolie fiancée. Portrait de mademoiselle Hermine. Svelte, flexible, élégante et simple, un front large éclairé par des yeux pleins d'un charme, suave, impossible à rendre, de ces yeux qui regardent toujours en haut, comme dit le poète arabe. En même temps, une profusion de cheveux admirablement dorés, ardents et somptueux, donnait à cette fière tête je ne sais quel air de jeune lionne. Monsieur Lucien avait une physionomie franche et bienveillante. Grand et fort, ses mouvements trahissaient cependant une noblesse naturelle, que ne démentait pas le sourire, constamment tendre, et la voix un peu traînante du jeune peintre. Lucien Garnier, envoyé tout jeune encore à l'école française à Rome, en était revenu depuis peu d'années, avec un talent déjà mûr, et un caractère nativement indécis, que les habitudes italiennes avaient alangui encore, du reste un bon cœur et un esprit généreux. En revenant d'Italie, il trouva d'abord dans la maison de Madame Delville, sa cousine, un intérieur simple et charmant, un accueil affectueux. 2 ou 3 mois après, Madame Delville présenta à Lucien sa fille unique, Hermine, qui sortait du couvent. Lucien fut frappé au premier regard de l'éclatante beauté de sa cousine. Au même instant, il se prit à l'aimer de cet amour d'artiste, amour noble, détaché sans doute de tous les vils calculs, mais non assez grave pour être désormais toute la vie d'un homme, et en quelque sorte comme le sceau éternel d'une destinée. Lucien demanda Hermine en mariage. Madame Delville accueillit la proposition du brillant artiste, tout en laissant à Hermine la liberté complète de son choix. Elle voulut aussi qu'un temps assez long s'écoulât entre le jour de la demande et le jour du mariage, afin que les deux jeunes gens eussent le loisir de se mieux connaître et de voir bien clair dans leur propre cœur. Hermine, quoique bien jeune, avait dans l'esprit une faculté d'intuition, intacte pour ainsi dire, qui lui fit deviner à l'instant le caractère de son cousin. Elle comprit que Lucien aimait en elle sa beauté avant tout. Elle en fut d'abord froissée, dans la délicatesse de son âme. Puis, en étudiant de plus près la nature de son cousin, elle sentit naître pour lui, dans son cœur, cette douce affection, cette sainte tendresse que les âmes d'élite éprouvent pour ce qui est faible et gracieux. Les femmes, c'est leur gloire humble et sacrée, ont souvent de ces mouvements, de ces évolutions de pensée, qui font d'elles l'être supérieur et sublime, dont l'homme ne connaîtra jamais la grandeur voilée, tout en subissant sa puissance. Il se passa donc dans le cœur d'Hermine un de ces drames superbes qui n'ont pas encore trouvé de Shakespeare, un drame plein de sentiments contradictoires, de péripéties aussi émouvantes que la chute des rois. Une scène d'autant plus tumultueuse qu'elle était contenue dans un cadre plus étroit, un monde dans le cœur d'une enfant. Si une autre femme, pensa Hermine, est un jour aimée de Lucien pour sa beauté seule, il se laissera emporter vers elle, avec toute la folie et toute l'irréflexion d'un premier élan. il n'examinera ni le caractère, ni les sentiments, ni l'intelligence de son idole. Il tombera peut-être sous le joug de quelque femme sans cœur et sans esprit, il sera perdu. Si au contraire il rencontre une âme dévouée qui lui donne toutes ses pensées et lui sacrifie toute son existence, cette femme souffrira peut-être cruellement dans sa lutte contre l'inconstance naturelle de Lucien, mais lui, il sera sauvé. Eh bien, je le sauverai. Ajoutons, au risque d'enlever quelque chose à la gloire de notre héroïne, et pour la réduire à des proportions plus humaines, que Lucien avait le caractère aimable et gai, l'esprit fin, une verve franche et toujours pétillante, et enfin, puisque nous nous sommes décidés à diminuer le mérite d'Hermine, une tête pleine de noblesse et de distinction, une figure illuminée de tous les éclairs de l'intelligence. L'épreuve jugée nécessaire par Madame Delville ne fit donc que fortifier dans le cœur d'Hermine la résolution pieuse qu'elle avait prise et son dévouement caché, d'autant plus méritoire qu'il était plus réfléchi. Chapitre 2, où il est à peu près démontré que la lune de miel ne brille qu'à la campagne. Enfin, le temps de cette épreuve imposée aux jeunes fiancés s'écoula. Hermine et Lucien furent unis. Mais en vrais poètes qu'ils étaient, l'un par la pensée et l'autre par le cœur, ils voulurent se marier loin de Paris, loin des regards curieux ou moqueurs. Madame Delville avait un vieil oncle, curé d'une petite paroisse en Bourgogne, un village jeté comme au hasard entre une forêt, une montagne et un ruisseau. Le bon prêtre céda aux nouveaux époux, après leur avoir donné, au nom du dieu d'amour, la bénédiction nuptiale. Sa maison modeste et verdoyante, son pré vert après le jardin et le verger, ses colombes volant des fenêtres au toit du presbytère, et surtout la douce paix de son âme se répandant, comme à son insu, sur tout ce qui l'entourait, sur le paysage et sur les cœurs. Pendant le mois qu'ils passèrent au village, ils n'eurent d'autre souci que celui de leur tendresse, mêlant aux voix de la nature, aux chants des oiseaux, aux murmures du vent, dans les saules, au tressaillement des sillons, sous les feux de l'aurore, la chaste harmonie de leurs pensées, la divine musique de leurs âmes recueillies dans l'attendrissement des premières joies. Il fallut partir cependant, revenir à la vie réelle, aux occupations peu idéales, au travail, à l'atelier, à Paris hélas. Paris, c'est la ville de ceux qui luttent, qui cherchent, qui espèrent, qui se tourmentent, qui se lamentent. Ce n'est pas la ville de ceux qui aiment. Quand on y revient, gardant encore dans la poitrine et dans la mémoire le parfum des vastes landes, l'odeur des genêts et des genévriers, et qu'on se sent frappé tout à coup par les fétides émanations des rues boueuses, des mille et mille égouts de la grande ville, une détresse indicible saisit le cœur. On se regarde avec une involontaire tristesse, et on se dit quelque effort que l'on fasse pour retenir en soi-même son bonheur, serons-nous heureux ici comme là-bas ? C'est pourquoi Hermine était triste en rentrant dans Paris avec Lucien, et interrogeait avec une sorte d'angoisse les regards de son jeune mari, dont l'attitude était moins songeuse que la sienne. Elle le remarqua. Chapitre 3. Une églogue près de la rue de Vaugirard. Le nouveau ménage s'installa, du reste, pour la vie nouvelle, avec cette douce gaieté que les cœurs sans reproche répandent autour d'eux. Lucien trouva, dans les environs de la rue de Vaugirard, une ravissante maison entre cour et jardin, qui ressemblait peu, très heureusement, à ces constructions modernes devant lesquelles s'extasient les badauds, et dont les locataires payent l'élégance par le manque d'air, d'espace et de lumière. Les jeunes mariés eurent un pavillon tout entier à eux seuls. L'atelier de Lucien était dans une maison voisine, afin que la jeune femme ne se rencontrât jamais sur le même seuil avec les visiteurs et visiteuses un peu folâtres qui se succèdent dans un atelier d'artiste. Cette nouvelle existence, cette vie à deux mêlée de travail et d'affection, offrit aussi, tout d'abord, de véritables joies à Lucien et à Hermine. Pendant que le peintre promenait sur la toile ses pinceaux actifs, aux heures où aucun indiscret ne troublait le recueillement de l'artiste, Hermine arrivait, gracieuse et légère, et s'asseyant à côté du chevalet, suivait d'un regard attentif et souriant le progrès du travail de son mari. Lui, charmé de la présence de sa jeune femme, se détournait parfois de son œuvre pour la contempler avec une admiration muette. Et on eût dit que la vue de cette admirable créature lui donnait des inspirations et des forces nouvelles. Oh, que c'est joli de vivre à deux, d'être seul dans son petit coin, d'entendre à peine les bruits du monde et de se dire que les autres sont fous. Oui, c'est joli, très joli, trop joli. Cela ne put durer, car le monde est comme tous les abîmes, effrayant, terrible, vertigineux, sombre, et c'est pour cela qu'il attire. Comment se fait-il qu'on rentre dans le tourbillon ? On ne le sait pas, mais on y rentre. un ami qu'on rencontre, un hasard de voisinage, un accident, un protecteur qu'il faut voir, une bonne œuvre à faire, c'en est assez. Le flot vous soulève insensiblement, vous enlève, vous emporte, et tout le tracas de la vie retentit bientôt à vos oreilles. Chapitre 4. À prince allemand, comtesse italienne. Le nom de Lucien commençait à se répandre. Ses tableaux étaient déjà recherchés des amateurs, et les marchands même le traitaient avec une politesse croissante. Lucien et Hermine ne furent donc pas étonnés de voir un jour entrer dans l'atelier un homme d'un certain âge, parlant le français avec un léger accent germanique, ayant du reste toutes les manières du meilleur monde, et qui leur fut annoncé sous le titre de prince Paul de Paix. Le prince donnait le bras à une jeune femme. Hermine, en apercevant la compagne du prince, se sentit pâlir et tressaillit comme malgré elle. « Pourquoi donc ?»« Monsieur Garnier, dit le prince, j'ai vu chez madame la comtesse Galigaï, qui a voulu du reste m'accompagner chez vous. » Ici, la comtesse Galigaï s'inclina en souriant. « J'ai vu, continua le prince, un charmant tableau signé de votre nom, et cela m'a donné le plus vif désir de posséder aussi une de vos œuvres. Je désire seulement que le tableau dont il est question soit admis à l'exposition des Beaux-Arts de l'année prochaine, et que le sujet soit le génie du bien et le génie du mal. C'est une idée un peu allemande, peut-être, mais je ne suis pas allemand pour rien. Quant au prix du tableau, n'en parlons pas. Nous ne sommes pas des marchands. Je ne veux pas même le connaître, et mon intendant prendra vos ordres à cet égard. » Lucien s'inclina, en assurant le prince de sa reconnaissance. « C'est entendu, alors, dit le prince. Dans un an, j'aurai mon tableau. » Et il tendit la main au jeune artiste, avec cette aisance pleine de courtoisie, dont les grands d'autrefois avaient le secret. Secret à peu près perdu. Et qui sait, si bien caché au fond de nos coffres-forts, que s'il en sort jamais, ce sera un grand hasard. Le prince allait quitter l'atelier, lorsque la comtesse Galigaï, abandonnant le bras de son introducteur, s'avança résolument vers Lucien. Elle était grande, brune, pâle, souriante et hautaine à la fois. Son front proéminent portait, comme une couronne, un enlacement de cheveux noirs, épais, un peu inculte même. Ses yeux noirs avaient une incomparable douceur, mêlée à la vivacité la plus enjouée. Une robe de velours grenat, montante, laissait deviner, chez cette personne, d'un aspect un peu étrange, des formes vigoureuses, des nerfs d'acier, une puissance de muscles singulière, une agilité et une force de panthère. « Monsieur Garnier, dit-elle d'une voix brève, saccadée, onctueuse et métallique en même temps, Monsieur Garnier, me trouvez-vous belle ?» Lucien, cette question fort imprévue, balbutia une réponse un peu embarrassée, où le mot « admirablement » dominait malgré son embarras. « Ah, mais, reprit la comtesse, me trouvez-vous belle comme homme ou comme peintre ?»« Comme homme et comme peintre. » Comme peintre surtout? Eh bien oui, surtout comme peintre. Tant mieux alors, dit joyeusement madame Galigaï. Vous ferez mon portrait. Un peintre qui trouve beau son modèle fait toujours un bel ouvrage. Voyez la Joconde. Vous ferez donc mon portrait s'il plaît à votre seigneurie. Dès demain, je vous donnerai une séance chez moi, rue Saint-Florentin, 10. Je m'appelle la comtesse Galigaï, comme le prince Paul vous l'a dit, mais mes ennemis et mes amis m'appellent la comtesse nulle part. On vous expliquera pourquoi, sans doute. Adieu, seigneur Raphaël. Venez, prince. » Chapitre 5. Étymologie qu'on ne trouverait pas dans le glossaire de Ducange. Lucien annonça le lendemain à Hermine qu'il allait se rendre chez la comtesse. « Bien, mon ami, répondit la jeune femme, il faut vite commencer et finir ce portrait. » Elle n'ajouta pas un mot, pas une observation, pas une recommandation. Seulement, elle sourit à Lucien de son meilleur sourire. On eût dit qu'elle cherchait à l'envelopper d'un regard tendre et chaste, comme d'une égide invisible. Lucien arriva bientôt chez la comtesse et fut admis dans un somptueux boudoir rempli des mille riens du luxe le plus capricieux. Qu'on ne croit pas que nous allons écrire, après mille autres, l'histoire d'une de ces liaisons adultères dont le récit est à lui seul un danger. Dieu merci, tous les hommes ne glissent pas aussi vite sur la pente des amours banales. La chute n'est pas toujours aussi rapide qu'on le pense. Nous voulons seulement, cette fois, signaler aux aventureux un des moindres périls qui les attendent hors des sentiers de l'honnêteté sévère, du travail obstiné, du dévouement quotidien, de la lutte patiente et glorieuse. La princesse Galigaï appartenait à une classe de femmes toute particulière, nous allions dire toute nouvelle. Il n'y avait dans sa vie aucun désordre honteux. Il n'y avait pas d'ordre, voilà tout. Elle avait un mari et vrai comte italien, qu'aucun des amis de la comtesse n'avait connu cependant. Quand on lui demandait, vers les premiers temps de son séjour en France, « Où est votre mari ?» Elle répondait, dans son ignorance des finesses de notre langue, Mon mari, il est quelque part. » Depuis ce temps-là, on l'appelait la comtesse Galigaï, la comtesse quelque part. Un beau jour, son mari mourut. Elle ne s'en aperçut guère, à ce qu'il semble, car lorsqu'on lui demanda pour la première fois, après ce malheur, « Où est votre mari ?», elle allait répondre « Il est quelque part ». Mais elle se reprit, et dit cette fois « Il est nulle part ». Depuis ce temps-là, on l'appelait la comtesse nulle part. C'était du reste la plus honnête folle qu'on pût voir. Elle n'aimait pas la société des femmes, et la fuyait avec obstination. Mais les hommes dont elle s'entourait savaient que toute chaîne lui eût été odieuse et insupportable. Elle avait sur ce point des principes très arrêtés. Il existait donc un contraste frappant entre la hardiesse de ses habitudes, la liberté de son langage et la pureté de ses mœurs. Elle avait réuni autour d'elle une cour de jeunes gens, artistes, poètes, diplomates, hommes politiques, qui étaient pour elle des amis, des camarades, comme elle disait, rien de plus. Seulement, elle mettait à retenir dans sa maison toute cette pléiade, une grâce, une adresse, une coquetterie même, que les gens non initiés eussent qualifié plus sévèrement peut-être. Chapitre 6. Comme quoi la paresse est naturelle au peintre. C'est dans ce monde-là que Lucien avait mis le pied. Avec la mobilité de son esprit, avec ce besoin d'impressions nouvelles qui était en lui, Lucien se jeta bientôt dans le tourbillon de la vie bruyante où la belle comtesse l'introduit. Courses, promenades, petits voyages, soupers, raouts, spectacles, concerts, rien n'y manqua. Ce fut une existence forcenée et violente. Un vertige, une féerie de plaisir, l'oubli du travail et du devoir, l'incohérence et le décousu en toutes choses, le désordre moral enfin. Lucien, pendant plusieurs mois, ne parut pas à son atelier. Il rentrait le soir chez lui, pâle, brisé, et expliquait son absence à Hermine par des raisons souvent mensongères. Hermine écoutait son mari gravement, sans se plaindre, avec un sourire maternel, quelquefois de douleur, d'indulgence toujours. Un soir, ce sourire eut quelque chose de joyeux, mais Lucien ne le remarqua point. Chapitre 7. La comtesse a un éclair de bon sens. Ce genre de vie dura 5 ou 6 mois. Un jour, la comtesse eut une idée. « Écoute, mon cher camarade, dit-elle à Lucien, écoute. » Ouvrons une parenthèse pour expliquer que la comtesse voulait tutoyer tous ses amis et être tutoyée par eux. Le « tu » lui paraissait donner plus de pittoresque et de montant à la conversation. D'ailleurs, elle était italienne, et le « vous » français lui paraissait d'une infirmité de notre langue. « Écoute, dit-elle à Lucien, je viens de réfléchir à une chose. Je ne suis bonne à rien. Je ne sais que rire, chanter et courir à cheval. » C'est effrayant pour mon avenir. Je puis avoir besoin de travailler pour vivre. Il peut arriver des révolutions, mon ami. Je veux apprendre un métier quelconque, un art, n'importe lequel, par exemple la peinture. Voilà une bonne idée. Oh oui, c'est cela, c'est cela. Tu seras mon maître, nous irons à ton atelier. Moi aussi je serai peintre. Allons vite, debout. Il n'est que 2 heures. Partons à l'atelier. » Et les petits pieds de la belle Italienne piétinaient déjà d'impatience. « Ah ça, cher ami, partons-nous ? » « Comme vous, comme tu voudras, dit le peintre, accoutumé au caprice soudain de sa folle compagne. » Et ils partirent. L'atelier était désert, rien de changé d'ailleurs. Les statues, les modèles en plâtre, les esquisses, les armes, les pipes turques étaient à leur place. Le grand rideau vert divisait toujours l'atelier en 2 parties distinctes, l'une destinée à la conversation, l'autre au travail. Il y avait donc ainsi tout à la fois un atelier et un salon. C'est dans ce salon que Lucien et la comtesse entrèrent d'abord. Ils s'assirent sur un divan. Chapitre 8. Un regret tardif. « Ah, cher ami, voici donc le lieu solennel où je t'ai vu pour la première fois, » dit la comtesse, en déclamant un peu. « Qui m'eût dit alors ? Folle va ! Comme tu as l'air sombre, mis au carreau. Qu'as-tu donc aujourd'hui ? Rien. Si tu as quelque chose, viens là près de moi, donne-moi ta main et raconte-moi tes chagrins. Je n'ai aucun chagrin, je t'assure. À la bonne heure. Dis-moi donc, comtesse, et la leçon de peinture que tu veux prendre. Dans un instant, mon cher maître, ton atelier me fait penser à une chose. Quelle est donc cette petite femme blonde qui était ici, il y a un an, lorsque nous y vîmes, moi et le prince Paul, la veille de son départ pour Berlin? Elle était assez gentillette, je crois. C'était ma femme, madame. Tiens, c'est vrai, tu es mariée? Au fait, povero, comme ça doit tuer le génie un ménage, n'est-ce pas? Lucien ne répondit point, et fronça légèrement les sourcils. Que te disais-je? Voilà déjà que ton front se rembrunit. Quelle femme est-ce, ta femme, cher ami? Une Cendrillon? Une fée bourgeoise, je suppose? Une homme sans idéal? Un esprit sans initiative? Lucien eut la lâcheté de ne pas protester contre la convenance de ses paroles. D'ailleurs, son attention fut détournée par un autre objet. Il aperçut sur un petit chevalet l'esquisse tracée par lui du tableau que lui avait commandé le prince Paul. Il avait oublié dans sa folle vie et l'esquisse et la commande. « Ah, mon Dieu, j'avais oublié ce tableau, et c'est demain au plus tard qu'il faudrait le présenter au jury. »« Bah, dit la comtesse, ce sera pour une autre année. »« Mais ma promesse au prince, tu la renouvelleras. »« Mais enfin, le prix de ce tableau. »« Oh, dit l'italienne, te voilà digne de ta femme. » »« On voit bien, comtesse, que tu as 300 000 francs de rente, mais moi je ne les ai pas, et ce tableau n'est pas fait. »« Il est fait, mon ami, dit la voix d'Hermine. » Chapitre 9, tableau. La main de la jeune femme tenait écarté le rideau vert, qui séparait le salon de l'atelier. De l'autre main, elle indiquait à Lucien un tableau placé sur un chevalet. « C'est tout à fait cela, cria Lucien, le génie du bien et le génie du mal, d'après mon esquisse. Il y a du talent dans ce tableau, et avec quelques corrections. Mais qui donc a fait ce tableau ? C'est moi, mon ami. Tu sais donc peindre, Hermine ? J'ai appris pendant plusieurs années au couvent, et puis je t'ai regardé si souvent travailler, autrefois. Ah, j'ai eu bien de la peine, va, j'ai pleuré bien souvent de dépit. » Quand je ne réussissais pas, et j'ai brisé plus d'un de tes pinceaux, pardonne-le-moi. Hermine, tu es un ange. On entendit la voix de la comtesse qui disait « Admirable, mais ce tableau, je m'y reconnais. Le génie du bien et le génie du mal, représentés allégoriquement par deux femmes, paraissant devant leur juge. Genre Moyen-Âge, le génie du mal, c'est moi. Le génie du bien, c'est madame. Ce n'est pas modeste. » Hermine, pardon, pardon, disait Lucien, en couvrant de baisers et de larmes les mains de sa femme. « Oh !» dit la voix stridente de l'italienne, « églogue bucolique !» Elle se dirigea vers la porte, mais elle s'arrêta. « Madame Garnier, dit-elle, si je tutoyais votre mari, c'est comme mon habitude est de tutoyer tous mes amis. Je le sais, madame la comtesse, seulement je trouve que c'est de mauvais ton. » L'italienne releva fièrement la tête, mais elle réfléchit un instant, puis s'avançant vers Hermine. « C'est égal, dit-elle, vous êtes une belle et vaillante femme. Adieu, monsieur Lucien !» Et elle sortit. « Hermine, Hermine !» « Tu peux me pardonner, car je t'aimerai toujours, » murmurait Lucien, heureux et confus. « Comme autrefois, » fit-elle. « Mieux encore, car autrefois je n'aimais que ta beauté. Maintenant j'aime ton âme. » Signé Henri de Bornier de l'Académie française.